Lévitique chapitre 25. L'Éternel parla aussi à Moïse sur la montagne de Sinaï, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans tu tailleras ta vigne, et en recueilleras le rapport. Mais la 7e année il y aura un sabbat de repos pour la terre, ce sera un sabbat à l'Éternel, tu ne sèmeras point ton champ, et ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui sera provenu de soi-même de ce qui sera tombé en moissonnant, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée, ce sera l'année du repos de la terre. Mais ce qui proviendra de la terre, l'année du sabbat vous servira d'aliment, à toi, et à ton serviteur, et à ta servante, à ton mercenaire, et à ton étranger qui demeure avec toi, et à tes bêtes, et aux animaux qui sont en ton pays, tout son rapport sera pour manger. Tu compteras aussi 7 semaines d'année, savoir 7 fois 7 ans, et les jours de 7 semaines feront 49 ans. Puis tu feras sonner la trompette de jubilation, le 10e jour du 7e mois, le jour, dis-je, des propitiations, vous ferez sonner la trompette par tout votre pays. Et vous sanctifierez l'an 50e, et publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants, ce vous sera l'année du jubilé, et vous retournerez chacun en sa possession, et chacun en sa famille. Cette 50e année vous sera l'année du jubilé, vous ne sèmerez point et ne moissonnerez point, ce que la terre apportera d'elle-même, et vous ne vendangerez point les fruits de la vigne non taillée. Car c'est l'année du jubilé, elle vous sera sainte, vous mangerez ce que les champs rapporteront cette année-là. En cette année du jubilé vous retournerez chacun en sa possession. Et si tu fais quelque vente à ton prochain, ou si tu achètes quelque chose de ton prochain, que nul de vous ne foule son frère. Mais tu achèteras de ton prochain selon le nombre des années après le jubilé. Pareillement on te fera les ventes selon le nombre des années du rapport. Selon qu'il y aura plus d'années, tu augmenteras le prix de ce que tu achètes, et selon qu'il y aura moins d'années, tu le diminueras, car on te vend le nombre des récoltes. Que donc nul de vous ne foule son prochain, mais craignez votre Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Faites selon mes ordonnances, gardez mes jugements, observez-les, et vous habiterez sûrement au pays. Et la terre vous donnera ses fruits, vous en mangerez, vous en serez rassasiés, et vous habiterez sûrement en elle. Et si vous dites, que mangerons-nous en la 7e année si nous ne semons point, et si nous ne recueillons point notre récolte? Je commanderai à ma bénédiction de se répandre sur vous en la 6e année, et la terre rapportera pour 3 ans. Puis vous sèmerez en la 8e année, et vous mangerez du rapport du passé jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce donc que son rapport sera venu, vous mangerez celui du passé. La terre ne sera point vendue absolument, car la terre est à moi, et vous êtes étrangers et forains chez moi. C'est pourquoi dans tout le pays de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère est devenu pauvre, et vend quelque chose de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, savoir son plus proche part, viendra et rachètera la chose vendue par son frère. Que si cet homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il ait trouvé de soi-même suffisamment de quoi faire le rachat de ce qu'il a vendu, il comptera les années du temps qu'il a fait la vente, et il restituera le surplus à l'homme auquel il l'avait faite, et ainsi il retournera dans sa possession. Mais s'il n'a pas trouvé suffisamment de quoi lui rendre, la chose qu'il aura vendue sera en la main de celui qui l'aura achetée, jusqu'à l'année du jubilé, puis l'acheteur en sortira au jubilé, et le vendeur retournera dans sa possession. Et si quelqu'un a vendu une maison à habiter dans quelque ville fermée de murailles, il aura le droit de rachat jusqu'à la fin de l'année de sa vente, son droit de rachat sera d'une année. Mais si elle n'est point rachetée dans l'année accomplie, la maison qui est dans la ville fermée de murailles, demeurera à l'acheteur absolument et en ses âges, il n'en sortira point au jubilé. Mais les maisons des villages, qui ne sont point entourées de murailles, seront réputées comme un fonds de terre, le vendeur aura droit de rachat, et l'acheteur sortira au jubilé. Et quant aux villes des Lévites, les Lévites auront un droit de rachat perpétuel des maisons des villes de leur possession. Et celui qui aura acheté quelques maisons des Lévites, sortira au jubilé de la maison vendue, qui est en la ville de sa possession, car les maisons des villes des Lévites sont leur possession parmi les enfants d'Israël. Mais le champ des faubourgs de leur ville ne sera point vendu, car c'est leur possession perpétuelle. Quand ton frère sera devenu pauvre, et qu'il tendra vers toi ses mains tremblantes, tu le soutiendras, tu soutiendras aussi l'étranger, et le forain, afin qu'il vive avec toi. Tu ne prendras point de lui d'usure, ni d'intérêt, mais tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui donneras point ton argent à usure, ni ne lui donneras de tes vivres à surcroît. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai retiré du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, afin de vous être Dieu. Pareillement quand ton frère sera devenu pauvre auprès de toi, et qu'il se sera vendu à toi, tu ne te serviras point de lui comme on se sert des esclaves mais il sera chez toi comme serait le mercenaire, et l'étranger, et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Alors il sortira de chez toi avec ses enfants, il s'en retournera dans sa famille, et rentrera dans la possession de ses pères. Car ils sont mes serviteurs, parce que je les ai retirés du pays d'Égypte, c'est pourquoi ils ne seront point vendus comme on vend les esclaves. Tu ne domineras point sur lui rigoureusement, mais tu craindras ton Dieu. Et quant à ton esclave et à ta servante qui seront à toi, ils seront d'entre les nations qui sont autour de vous, vous achèterez d'elles le serviteur et la servante. Vous en achèterez aussi d'entre les enfants des étrangers qui demeurent avec vous, même de leurs familles qui seront parmi vous, lesquels ils auront engendrés en votre pays, et vous les posséderez. Vous les aurez comme un héritage pour les laisser à vos enfants après vous, afin qu'ils en héritent la possession, et vous vous servirez d'eux à perpétuité, mais quant à vos frères, les enfants d'Israël, nul ne dominera rigoureusement sur son frère. Et lorsque l'étranger ou le forain qui est avec toi se sera enrichi, et que ton frère qui est avec lui sera devenu si pauvre, qu'il se soit vendu à l'étranger, ou au forain qui est avec toi, ou à quelqu'un de la postérité de la famille de l'étranger. Après s'être vendu il y aura droit de rachat pour lui, et un de ses frères le rachètera. Ou son oncle, ou le fils de son oncle, ou quelque autre proche parent de son sang d'entre ceux de sa famille, le rachètera, ou lui-même, s'il en trouve le moyen, se rachètera. Et il comptera avec son acheteur depuis l'année qu'il s'est vendu à lui, jusqu'à l'année du jubilé, de sorte que l'argent du prix pour lequel il s'est vendu, se comptera à raison du nombre des années, le temps qu'il aura servi lui sera compté, comme les journées d'un mercenaire. S'il y a encore plusieurs années, il restituera le prix de son achat à raison de ces années, selon le prix pour lequel il a été acheté. Et s'il reste peu d'années jusqu'à l'an du jubilé, il comptera avec lui, et restituera le prix de son achat à raison des années qu'il a servi. Il aura été avec lui comme un mercenaire qui se loue d'année en année, et cet étranger ne dominera point sur lui rigoureusement en ta présence. Que s'il n'est pas racheté par quelqu'un de ses moyens, il sortira l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui. Car les enfants d'Israël me sont serviteurs, ce sont mes serviteurs que j'ai retirés du pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu.